Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous poursuivons notre semaine consacrée à la philosophie médiévale que nous avons sobrement intitulée « Lumière sur le Moyen-Âge ». Que faites-vous avec les sorcières ? Et en dehors des sorcières, que brûlez-vous d'autre ? D'autres sorcières ! Chut ! Du bois ! Exact. Et pourquoi les sorcières brûlent-elles ? Parce qu'elles sont faites de bois. Bien ! Dans ce cas, comment fait-on pour savoir si elle est faite de bois ? En construisant un pont avec elle ! Ah, mais ne peut-on pas aussi faire des ponts avec des pierres ? Ah oui. Est-ce que le bois coule au fond de l'eau ? Non, il flotte ! Il flotte ! On va la lancer dans l'eau ! Y a-t-il autre chose qui flotte sur l'eau ? Du pain ! Les pommes ? De très petits cailloux ! Un canard ! Exactement. Donc, logiquement... Si elle a le poids d'un canard, elle est faite en bois. Et par conséquent... Une sorcière ! Alors, vous reconnaissez sans doute le film Sacré Graal des Monty Python. Eh bien, contrairement à cette idée admise et 100 fois reprise selon laquelle le Moyen-Âge est une période où obscurantisme et superstition font loi, le Moyen-Âge est en réalité une période extraordinairement riche scientifiquement et philosophiquement. En effet, c'est à l'époque médiévale que l'on doit la naissance de la métaphysique comme reine des sciences. Pour nous en parler, nous avons invité Olivier Boulnois, philosophe, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et auteur de l'ouvrage « Métaphysique, rebelle, genèse et structure d'une science au Moyen-Âge » paru aux presses universitaires de France. Bonjour Olivier Boulnois. Bonjour. Alors peut-être commençons par le commencement. Comment peut-on définir la métaphysique ? La métaphysique, c'est d'abord le titre d'un livre, très curieusement. C'est le recueil de textes d'Aristote qui parlaient de matière inhabituelle et que les éditeurs ont classé après la physique, en grec, metataphysica. Mais ça n'est devenu une science que précisément au Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge qu'on a commencé à dire cette science, la métaphysique. En réalité, dans le livre d'Aristote, on voit en fait plusieurs recherches qui partent dans des directions différentes. Et la difficulté du Moyen-Âge est justement d'essayer d'unifier toutes ces recherches. Principalement, on peut résumer les différents axes de la recherche aristotélicienne en disant qu'il y a un axe qui s'interroge sur ce qu'il y a de plus général, sur l'être, ce qu'il y a de plus commun à toute chose, qui est le fait que toutes les choses sont des êtres, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a une démarche qui s'interroge sur ce qu'il y a de plus haut, de plus excellent, de plus divin, et c'est une science théologique. Donc, ce que l'on voit apparaître au Moyen-Âge, c'est précisément la tentative d'unification sous la forme d'une science de quelque chose qui était donné sous la forme extrêmement mystérieuse et contradictoire de plusieurs livres rassemblés sous le titre « Après la physique ». Donc c'est tout à fait circonstanciel en fait, le mot même est circonstanciel et pourtant on peut considérer qu'il y a déjà une science de l'être en tant qu'être, vous l'avez dit chez Aristote. Qu'est-ce qu'elle recoupe exactement, cette science de l'être en tant qu'être, dont d'ailleurs Aristote lui-même dit que c'est la première philosophie ? Oui, alors je pense que bien sûr, ce n'était pas un bibliothécaire fou qui avait classé les livres, et que s'il avait mis ensemble ses ouvrages, c'est qu'il y avait un point commun, et s'il les avait mis après la physique, c'est justement parce que c'est une réflexion encore plus fondamentale que la physique. La physique, ça, c'est une réflexion sur l'être en mouvement. Mais justement, ça ajoute une caractéristique à l'être, ça ajoute le problème du mouvement. Tandis que l'interrogation la plus fondamentale de toutes, finalement, c'est l'interrogation sur ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. La question est aussi difficile qu'elle est simple. Il est extrêmement simple de dire qu'est-ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, mais ensuite, arriver à l'expliquer, l'analyser et le dire, c'est un travail d'élucidation extrêmement difficile que Aristote a tenté et que les médiévaux ont repris. Le Moyen-Âge a repris la même interrogation et s'est efforcé de la pousser encore plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait on a parlé hier avec Nathalie Gorotchov de la redécouverte d'Aristote et de la manière justement dont les philosophes, les théologiens vont essayer de s'emparer de l'œuvre d'Aristote. Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là pour que justement apparaisse la métaphysique comme science. Et d'ailleurs, à quel moment on pourrait le dater ? Alors, le mot métaphysique, on arrive assez bien à le dater, et le mot métaphysique pour désigner cette science, c'est à la fin du XIIe siècle, un auteur qui s'appelle Gundis Salinus, qui a écrit un traité sur la division des sciences, donc en répartissant les sciences, il y en a une qu'il a appelée la métaphysica en latin. Et il l'associe d'ailleurs à une science divine. Pour lui, métaphysica et science divine sont assez liés. Et justement, ce nom de science divine nous fait réfléchir à quelque chose. C'est que les découvertes, ce genre de découvertes intellectuelles, ne sont pas purement accidentelles. C'est-à-dire qu'en réalité, ça correspondait à un besoin. Et le besoin, il était... il était exprimé par la situation du savoir, disons aux alentours du XIIe siècle, lorsque se met en place une réflexion rationnelle sur Dieu. Et à ce moment-là, on éprouve le besoin de ne pas seulement avoir, comme on avait dans les siècles précédents, une forme de logique ou de grammaire qui permet d'expliquer comment nos énoncés portent sur Dieu, mais on a ressenti aussi le besoin d'une philosophie naturelle, c'est-à-dire une philosophie qui porte sur la nature et qui porte sur l'être. Parce que c'est à partir de l'expérience du monde, de la nature et de l'être, qu'on peut s'efforcer par différents procédés, dont l'analogie, dont le dépassement, en partant de notre expérience du monde, en dépassant notre expérience du monde, on peut s'efforcer de penser ce qui est évidemment au-delà de toute expérience, qui est Dieu. Donc il y avait clairement un besoin qui était un besoin d'origine théologique, je dirais. Et ce besoin d'origine théologique, il apparaît donc sur fond de poussée aristotélicienne. Comment est-ce que la pensée aristotélicienne et ce besoin, quelque part, de rationalité vont s'agencer? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il s'agit de science. Les penseurs de l'époque sont à la recherche de tout ce qui peut enrichir leur science, accroître leur science ou découvrir de nouvelles sciences. Or, quand on découvre Aristote par fragments, ou par les traductions, d'abord par les traductions arabes, par des extraits, petit à petit, on a approfondi, évidemment, ce qu'il fallait entendre par science. Mais en fait, les gens étaient à la recherche de tout ce qui peut être un savoir nouveau. Et la physique était un savoir nouveau, mais la métaphysique en était un aussi. Et donc, ils ont ressenti le besoin d'augmenter tout simplement... non seulement la quantité, mais bien sûr la qualité des sciences qu'ils pouvaient posséder. Et pourtant, on ne peut pas dire non plus qu'il y a une réception unifiée. Alors, de la même manière qu'il n'y a pas une réception unifiée d'Aristote, il n'y a pas non plus, on le développera plus tard, mais il n'y a pas non plus de conception unifiée de la métaphysique, puisque la métaphysique naît quasiment au cœur d'une querelle, qu'on appelle la querelle des universaux, qui reprend, même si évidemment de manière extrêmement différente, mais grossièrement, un débat qui existait déjà entre Platon et Aristote, elle reprend ce débat et le met en lumière tout à fait différemment. Alors, la querelle des universaux, le Moyen-Âge l'a reçu comme étant un problème plutôt de logique et de signification, de la correspondance du réel avec ce que la logique peut dire. C'est-à-dire que la question était de savoir si, quand je dis une chaise, il y a quelque chose de réel qui correspond à l'essence de la chaise, ou bien s'il n'y a que des chaises individuelles, et puis le nom ne servant finalement que d'étiquette commune. Et le nom ne serait qu'un signe, le nominalisme consiste à dire que, on s'en tient à des noms, c'est eux qui nous servent à atteindre la communauté qu'il y a entre les choses. Tandis que le réaliste, c'est celui qui affirme que entre deux chaises, il y a une communauté réelle, il y a des propriétés réelles qui appartiennent à ces deux chaises qui font qu'on peut vraiment dire qu'il y a quelque chose de réel qui fait que les chaises sont la chaise. Alors le problème de la métaphysique est un tout petit peu décalé par rapport à ça. D'abord parce qu'il est plus ancien. Ce problème des universaux, bien sûr, on peut dire qu'il remonte d'une certaine manière à Platon, mais enfin, il se formule surtout à partir du commentaire de Porphyre sur la logique. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de plus tardif, en fait. Et puis, deuxièmement, la querelle des universaux, en fait, a évidemment été utilisée dans des traités de métaphysique, mais comme aussi dans les traités de logique, mais elle n'était pas au fond quelque chose qui allait déterminer le sens et la fonction de la métaphysique elle-même. On a longtemps cru que, par exemple, un nominaliste comme Occam était quelqu'un qui n'aurait pas accepté l'existence d'une métaphysique ou qui aurait critiqué toute métaphysique, etc. Mais c'est une vision anachronique. En réalité, quand vous on voulez regarde... dire que c'est une vision a posteriori. Oui, c'est une vision a posteriori de certains historiens qui ont des préjugés modernes, en fait. En réalité, Occam parle de métaphysique. Il explique ce que serait pour lui une métaphysique. Et très clairement, c'est un grand lecteur de Duns Scot, qui est un réaliste, mais et lui, il est un adversaire de ce réaliste, puisqu'il est nominaliste, mais en même temps, sur la structure de la métaphysique, il ne fait pas de différence majeure, il y a des différences, mais elles ne sont pas structurelles à l'égard de Duns Scot. Au fond, la métaphysique est un peu neutre à l'égard du problème des universaux, qui est un problème immense, qui est un problème important au Moyen-Âge, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui vient transformer la structure de la métaphysique. Et alors justement, vous parlez de cette structure de la métaphysique, vous dites qu'il y a trois temps un peu dans l'histoire de la métaphysique. Oui, alors bon, on est évidemment à la fois passionné et un peu démuni quand on voit l'immensité des commentaires médiévaux sur la métaphysique, la multiplicité presque infinie de discussions, de positions, et on se dit mais comment est-ce qu'on peut mettre un peu d'ordre dans tout cela pour tout simplement s'y retrouver ? Alors j'ai petit à petit, à force de lire ces textes qui sont nombreux et difficiles, il m'a semblé qu'on pouvait faire émerger plusieurs manières d'interpréter le problème de la métaphysique, plusieurs structures de la métaphysique, qui, au fond d'ailleurs, sont des manières de résoudre des questions qui étaient déjà chez Aristote. Au fond, toutes ces personnes, il faut bien se dire que ce sont... Oui, un petit peu comme des kabbalistes qui connaîtraient par cœur la Kabbale. Eux, ce sont des commentateurs d'Aristote qui connaissent absolument par cœur Aristote, mais qui essayent d'unifier tout cela pour essayer de construire une science, justement. Et donc, alors ensuite, il y a un élément qui est quand même fondamental, c'est que ils essaient de concilier aussi les philosophies aristotéliciennes avec la théologie chrétienne. Alors, cet élément joue un rôle important aussi, c'est très clair. C'est très net dans ce qui est pour moi la première formulation de la réponse au problème de la métaphysique. La première formulation consiste à mettre en place une idée de la métaphysique qui est principalement et même uniquement théologique. C'est-à-dire que l'objet de la métaphysique serait Dieu. Donc, en fait, il y a correspondance quasiment entre métaphysique et théologie. Bien sûr. D'ailleurs, mais la difficulté vient d'Aristote lui-même, parce que le mot de théologie comme science n'est pas simplement un mot réservé au christianisme, aux religions révélées. La théologie comme science, elle existe déjà chez Aristote dans la métaphysique. Et donc, c'est mettre en évidence un livre de la métaphysique d'Aristote pour faire de lui le centre et le sommet de la réflexion métaphysique. Et donc ces gens-là le font parce qu'il y a une sorte d'harmonie possible avec une approche religieuse, avec une théologie de la révélation, avec une théologie chrétienne ou musulmane d'ailleurs, et même ou néoplatonicienne d'ailleurs, qui sont des formes de théologie qui admettent une forme de piété, qui ont des croyances. C'est pas simplement une théologie philosophique. Et la concorde des deux c'est la première manière dont on a reçu la métaphysique au Moyen-Âge. Alors, selon vous, cette première manière de la métaphysique comme stricte théologie, elle est particulièrement incarnée par un philosophe, un théologien dominicain, qui est Maître Eckhart. Oui, ça, c'est le plus connu. En fait, il y a des auteurs, dont des anonymes. Il y a beaucoup d'anonymes au Moyen-Âge. Hein. C'est quelque chose qui rend les choses à la fois passionnantes et difficiles, parce qu'il faut arriver à dater ces fameux anonymes. Étant donné que l'enseignement universitaire consistait à commenter les grandes œuvres, certains commentaires nous sont restés sans nom d'auteur. Il y a beaucoup d'anonymes, il y a quelques anonymes qui ont soutenu cette thèse avant lui, mais l'auteur qui, à mes yeux, est le plus remarquable dans ce sens-là, c'est évidemment Maître Eckhart, qui est à la fois un philosophe, un théologien, et un mystique, et un pasteur qui a prêché en langue allemande. Donc c'est quelqu'un d'extraordinairement riche dans sa personnalité, qui est à la fois très savant en philosophie et très savant en exégèse de l'écriture. Et avant justement d'essayer de comprendre quelle est la pensée, la position de Maître Eckhart, on peut écouter un extrait de son commentaire de la Genèse précédé des prologues. Cette proposition est vraie. Martin est un homme, même si aucun homme n'existe. Car je ne dis pas qu'un homme existe, et je ne prédique pas l'être ni l'existence des termes, mais leur cohérence. Ainsi, quand je dis que la rose est rouge, je ne dis pas et ne prédique pas que la rose est, ni que la rougeur est, mais seulement la cohérence naturelle des termes. C'est pourquoi le terme « être » ou « est » n'est ni sujet ni prédicat, mais il est un troisième en dehors d'eux, c'est-à-dire le lien du prédicat avec le sujet. Quatre points en résultent. Le premier est que Dieu seul est, et est dit proprement étant, un, vrai et bon. Le deuxième est que tout ce qui est étant, un, vrai ou bon, n'a pas cela de soi-même, mais de Dieu et de lui seul. Le troisième est que, par Dieu lui-même, immédiatement, toutes choses et chacune sont une, sont vraies et sont bonnes. Le quatrième est que, quand quelque chose est dit être, ou étant ceci ou cela, un ceci ou cela, vrai ceci ou cela, bon ceci ou cela, le ceci et le cela n'ajoutent absolument rien en fait d'entité, d'unité, de vérité ou de bonté à l'étant, à l'un, au vrai et au bon. Cependant, en disant cela, nous ne détruisons pas l'être des choses. Nous n'enlevons pas l'être aux choses, mais nous l'établissons. Alors on voit très bien là, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une théologie. Et Dieu est la cause première et absolue de toute chose. Plus radicalement même, Eckhart dit cette chose extraordinaire, Dieu seul est. Ça veut dire que le reste n'est pas, en tout cas pas absolument. Le reste n'est que par relation à Dieu ou par participation à Dieu. Mais vraiment, Dieu seul est. C'est pour ça qu'il se sent obligé de dire après, mais en disant cela, je n'enlève rien aux choses. Parce qu'on pourrait croire que du coup, pourrait être considéré comme une espèce de, de confiscation de tout par Dieu. Enfin, et dans ce cas-là, on pourrait croire que Maître Eckhart est quelqu'un qui n'accorde aucune importance aux individus particuliers, puisque en fait, ils ne sont pas. Ce serait une espèce de, vous voyez, de néant généralisé. Alors, c'est pas du tout ce qu'il veut dire, et donc il tient bien à la rattraper à la fin de son texte. Il n'enlève pas l'être aux choses. Simplement, les choses ne sont que dans la mesure où elles sont en Dieu. C'est ça qu'il veut nous dire. C'est-à-dire que tout l'être est créé et maintenu en Dieu. Et le temps n'est que... ce qui est dans le temps n'existe que par participation à ce qui est éternel. Voilà, en quelques instants, ce que Eckhart nous dit de tout à fait fondamental et d'extrême. Voilà, on voit aussi pourquoi la pensée d'Eckhart va culminer dans une mystique. Parce que, en fait, devenir pleinement soi-même, ça devient s'unir au seul être qui est. Devenir le seul être qui est. Et quel est le seul être qui est ? C'est Dieu. Vous voyez ? Donc on voit tout de suite, et pourtant c'est quelque chose qui est complètement inspiré d'une lecture sérieuse, savante d'Aristote, mais on voit tout de suite comment ça peut déboucher sur des conséquences théologiques, pastorales, sur une mystique, sur une manière de parler, comme il l'a fait lui-même dans les couvents de l'Est de la France et de l'Allemagne. Il a pu, grâce à cela, structurer une pensée chrétienne, structurer l'union à Dieu, structurer la mystique. Et vous diriez d'ailleurs que c'est une rupture particulièrement pastorale, par exemple. Alors c'est très compliqué parce que on peut mettre l'accent sur la rupture. Il est vrai que ça va conduire Eckhart à une rupture, c'est-à-dire ça va conduire Eckhart à insister sur le fait qu'on peut accéder ici-bas à la béatitude, ce qui est vraiment une rupture par rapport à ses prédécesseurs. Mais en même temps, il y a une continuité, car tout ceci vient d'une interprétation de la métaphysique qui était déjà présente dans le néoplatonisme grec, qui a été transmis par la pensée arabe, qui était présente dans certaines formes de néoplatonisme arabe, chez Al-Kindi notamment, et qui ensuite a été transmis au monde latin. Donc on voit comment il faut à la fois regarder les fondements qui peuvent sembler des fondements abstraits, qui peuvent sembler même des fondements scolaires, puisque c'est ce qu'on enseignait dans les écoles, à l'université, et qui en même temps débouchent sur des conséquences extrêmement concrètes dans la pastorale de Maître Eckhart. Et à ce moment-là, donc vous dites, c'est à la fois une rupture et à la fois il y a continuité, et en même temps ça inscrit très clairement l'idée qu'il n'y a pas de métaphysique en dehors de Dieu, que Dieu est l'être pour le coup absolu de la métaphysique. Absolument. On peut lui appliquer la phrase la phrase de l'idéalisme allemand, le coup de pistolet de l'absolu. C'est-à-dire que on part tout de suite dans l'absolu et on va tout directement dans l'absolu et tout le reste est un petit peu secondaire. Et la position de Maître Eckhart, c'est une position qui est à un moment dominante ou qui est marginale au sein justement des universités qui deviennent ces lieux de propagation de la métaphysique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette position, quand même, avait été un petit peu préservée à la fin du XIIIe et du XIVe siècle. Il n'est pas absolument seul, j'ai déjà dit qu'il y avait des anonymes. Mais en même temps, on peut dire aussi que c'est peut-être un peu archaïque. Au moment où Maître Eckhart le dit, une grande partie de la réflexion universitaire a... quand même essayer de construire une métaphysique moins néoplatonisante qui donne plus de place à une connaissance générale de l'être. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'à la même époque, à l'époque de Maître Eckhart, on va avoir plusieurs modèles qui coexistent. Quand j'ai parlé de différents modèles, ça ne veut pas dire que... Oui, c'est pas l'un après l'autre. Voilà, ça ne se succède pas. Tout ça, c'est en même temps. Voilà, ça ne se succède pas comme l'histoire de la philosophie selon Hegel, où il y aurait des figures qui se succèdent les unes après les autres. Là, non. C'est précisément le propre de l'université médiévale. C'est-à-dire que, comme c'est une université où on dialogue, on maintient toujours en face une thèse avec laquelle on est en désaccord. Et quelqu'un peut toujours décider de reprendre la thèse de l'adversaire et de la prendre à son compte. C'est une dialectique permanente, l'université médiévale. Et donc, il n'est pas étonnant qu'on voit deux thèses, ou trois, ou plus encore, qui peuvent s'affronter à la même époque avec des intervenants différents. Alors justement, à côté de cette théologie, on a envie de dire pure, il y a d'autres mouvements. Et il y a justement, vous le dites, une naissance d'une science de l'être qui s'autonomise un peu par rapport à la théologie. Et cette autonomisation s'opère d'abord dans la philosophie arabe. Tout à fait. Alors, la philosophie arabe, à partir notamment d'Al-Farabi, et ceci dit, on peut peut-être remonter encore plus loin, parce qu'Al-Farabi avait connu la traduction d'Alexandre d'Aphrodise, un commentateur grec d'Aristote. Donc, vous voyez, tous ceux-ci sont des gens qui se lisent les uns les autres, et à la limite, à l'origine, on revient toujours à Aristote malgré tout, mais chacun va lire d'une manière différente. Alors, on a vu, si vous voulez, que la position théologique privilégie à l'idée que, bon, c'est une science divine. Mais on a une doctrine qui privilégie les textes d'Aristote dans la métaphysique 4, métaphysique gamma, où Aristote dit d'une manière abrupte, il commence comme ça son livre, il y a une science de l'être en tant qu'être, et des attributs qui lui appartiennent, etc. Et donc, c'est une autre dimension. Là. On va réfléchir sur ce qu'il y a de commun à toute chose, ce qui est aussi au plus intime de chaque chose, de chaque être, hein, sans que cela renvoie nécessairement un principe, une cause transcendante. Mais c'est là, l'immense rupture, elle se situe là. Oui, alors, mais c'est très compliqué parce que l'immense rupture ne peut pas, comment dire, elle ne peut pas durer très longtemps, d'une certaine manière, parce que si on continue à lire Aristote, ça, c'était le chapitre 1, mais dès le chapitre 2, il nous explique, mais il faut réfléchir, malgré tout, sur les causes de l'être en tant qu'être. Et quand on va réfléchir sur les causes et les principes, il emploie aussi le mot principe, on va en arriver à un premier principe, et ce premier principe est un principe divin. Donc, très vite, c'est ce qui caractérise d'ailleurs cette deuxième figure de la métaphysique, c'est une sorte de convergence entre la science de l'être d'un côté et la science de Dieu de l'autre. C'est-à-dire que on va s'efforcer de se demander qu'est-ce qui donne l'être, qu'est-ce qui est la cause de l'être, comment les choses participent-elles de l'être, et on va donc converger vers l'idée qu'il y a un Dieu qui est l'être par excellence, mais qu'il donne l'être aux choses en les créant, et que les choses reçoivent leur être de Dieu à proportion de leur capacité, et que les choses participent de l'être divin. Voilà. Et donc, on a cette logique qui est une logique de la participation. C'est-à-dire que plus une chose est, plus elle est divine. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et donc, on va avoir aussi la question des degrés d'être. Tout ceci, c'est ce qui permet de faire converger ensemble la science de l'être et la science de Dieu. Et ceci, effectivement, commençait avec Al-Farabi dans la philosophie arabe. Et ça a été retenu très fortement par Thomas d'Aquin, par saint Thomas d'Aquin, qui, lui, est vraiment quelqu'un qui théorise cette convergence de l'être et de Dieu, qui théorise notamment la doctrine de la participation. La doctrine de la participation consiste à dire que les choses n'ont l'être que par participation à l'être divin. Elles ont part à l'être divin. Et alors comment, justement, est-ce que cette participation fait qu'on peut parler des choses en dehors de l'être divin ? Eh bien, il y a... Ou plutôt, je reformule, qu'est-ce qu'on peut dire des choses en dehors de l'être divin ? Tout ce qui nous est accessible dans l'expérience courante peut être repris par la métaphysique. La métaphysique s'interroge toujours sur les fondements. La métaphysique s'interroge sur ce qui fait les concepts fondamentaux des sciences. Par exemple, les mathématiques utilisent le concept de quantité, mais elles ne s'interrogent pas sur qu'est-ce que la quantité. C'est la métaphysique qui va s'interroger. Vous voyez, la métaphysique, c'est celle qui met en question les concepts fondamentaux des sciences. Voilà. Bon, l'optique s'interroge sur les angles et la propagation de la lumière. Eh bien, la métaphysique va s'interroger sur qu'est-ce que la lumière ? Est-ce que la lumière se propage instantanément ou pas ? Ce genre de questions. Donc, vous voyez bien que il y a place pour une enquête métaphysique, si je puis dire, à partir de notre expérience commune. Mais c'est pas la métaphysique, c'est jamais quelque chose qui est donné dans l'expérience. Ça, Kant le redira à sa manière. La métaphysique, c'est les conditions de possibilité, les fondements de ce que nous rencontrons dans l'expérience. Nous rencontrons des choses, mais nous nous demandons qu'est-ce qui fait l'être de ces choses. Et c'est là que la réflexion commence. La réflexion commence, et elle commence, et là aussi, alors, je sais qu'on peut pas parler de rupture à chaque fois. Néanmoins, là, il y a une rupture qui est justement de laisser rentrer l'expérience. Vous l'avez dit, ça n'est pas une expérience, rien n'est donné dans la métaphysique, et en même temps, une expérience, elle, est donnée. Tout à fait. Là, il peut y avoir une manière de remarquer la position des différents auteurs, c'est de se demander quel est pour eux l'objet principal de la pensée, de l'intelligence. Et vous allez avoir des auteurs, je pense que Eckhart dirait sans doute que l'objet principal de la pensée, c'est Dieu. Mais un auteur comme saint Thomas d'Aquin dit que l'objet principal de notre intelligence, c'est l'essence des choses sensibles. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur ce qui fait la nature des choses que nous rencontrons par les sens tous les jours. Donc, il y a bien cette idée que, voilà, on doit partir de notre expérience du monde sensible, et c'est seulement par des raisonnements qu'on peut remonter vers des principes. Mais les principes, ils ne sont pas donnés d'emblée. Il faut faire des raisonnements, donc il faut admettre par exemple l'existence de principes de contradiction, de principes de causalité, etc. Mais une fois qu'on admet ces principes, là, on peut faire des raisonnements sur les causes. Alors, pour illustrer votre propos, je vous propose d'écouter un extrait du prologue du commentaire de la métaphysique de saint Thomas d'Aquin. De même que les hommes ayant un intellect puissant sont naturellement les gouvernants et les seigneurs des autres, tandis que les hommes qui sont robustes de corps mais limités par l'intellect sont naturellement serfs, de même, cette science doit être naturellement régulatrice des autres, car elle est au plus haut point intellectuel. Et c'est celle qui porte sur les réalités au plus haut point intelligible. Nous pouvons prendre au plus haut point intelligible en trois sens. D'abord, à partir de l'ordre d'intellection. car les réalités à partir desquelles l'intellect reçoit une certitude semblent être plus intelligibles. Ainsi, puisque la certitude d'une science est acquise par les causes, la connaissance des causes semble être au plus haut point intellectuel et régulatrice des autres. Deuxièmement, à partir du rapport entre l'intellect et les sens. En effet, puisque le sens est la connaissance des particuliers, l'intellect semble en différer en ce qu'il comprend les universaux. C'est pourquoi cette science est au plus haut point intellectuel, car elle porte sur les principes au plus haut point universel, et ce sont l'étant et ce qui le suit, comme l'un et le multiple, la puissance et l'acte. Il reste donc que ces réalités soient traitées dans une science commune, qui, parce qu'elle est la plus intellectuelle, est régulatrice des autres. Troisièmement, à partir de la connaissance de l'intellect. Car puisque chaque chose possède une puissance intellective dans la mesure où elle est exempte de matière, il faut que soient au plus haut point intelligibles les réalités qui sont au plus haut point séparées de la matière. C'est pourquoi la science qui considère ces choses semble être au plus haut point intellectuel et princesse ou maîtresse des autres sciences. Alors, ce qui apparaît là, c'est que c'est une réconciliation, en fait. On a l'impression d'une réconciliation chez saint Thomas d'Aquin, d'une volonté, justement, de concilier ce qui pourrait paraître irréconciliable entre théologie et philosophie, entre être suprême, inatteignable, et notre propre expérience du monde. Tout à fait. Ce qui est frappant dans ce passage, qui est le prologue du commentaire de la métaphysique, où donc saint Thomas essaye d'expliquer l'unité de ce qu'il va commenter, c'est ce qu'on essaie de faire en général dans un prologue, il insiste sur le fait qu'au fond, nos recherches sont soit des recherches de certitude, soit des recherches d'universalité, soit des recherches de réalité intelligible, il dit séparée de la matière, c'est ça que ça veut dire. Et ce qu'il souligne, c'est que ce qui est au plus haut point certain, ce qui est au plus haut point universel, et ce qui est au plus haut point séparé de la matière, donc c'est trois voies différentes, si on peut dire, mais ça converge en réalité, car ce qui est tout cela, ce qui possède ces trois caractéristiques, c'est quelque chose qui est une seule et même chose, c'est-à-dire c'est le divin. Donc là encore, bien sûr, saint Thomas est quelqu'un qui va poursuivre la recherche de la connaissance de Dieu, mais lui, il le fait en partant d'une expérience sensible, en partant... Oui, c'est un renversement, en fait, complet, puisqu'on ne part pas du haut pour interpréter le bas, mais on part du bas pour retrouver le haut. Tout à fait. On pourrait dire que l'autre est une métaphysique de haut en bas, et là, c'est une métaphysique de bas en haut. Mais c'est une expression qu'utilisent aujourd'hui les philosophes analytiques, et je crois que c'est assez pertinent dans notre cas. Et donc, cette réconciliation qui s'opère, pour le coup, très rapidement quand même, Thomas d'Aquin va s'imposer comme le grand théologien de son époque, comme le grand, on peut dire, métaphysicien de son époque. Ah, ça, c'est une histoire beaucoup plus compliquée. Parce que saint Thomas n'a pas triomphé tout de suite. Il y a même eu une période de purgatoire, si j'ose dire, de la pensée de saint Thomas, c'est juste après sa mort. Oui, l'époque où il n'était pas en odeur de sainteté. Voilà, exactement. il n'a été béatifié qu'au XIVe siècle. Hein. Ce qui est frappant, c'est que immédiatement saint Thomas, a été considéré évidemment comme un très très grand maître. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça ne voulait pas dire pour autant que ses positions devaient être suivies doctrinalement. Il faut bien comprendre qu'il n'avait pas un statut d'autorité pour l'Église, comme on a un peu l'idée aujourd'hui. Comme il y a de la philosophie thomiste enseignée dans les universités catholiques, des choses comme ça. Peut-être plus aujourd'hui, mais enfin, il y a 40 ans. Ça n'était pas le cas, en réalité. Saint Thomas a petit à petit pris une autorité au sein de l'ordre dominicain. Ça, oui, c'est assez rapide. Puis après, il a acquis une autorité de docteur pour l'ensemble de l'Église catholique, mais ça s'est fait beaucoup plus tard. Et dans les premiers temps, il a été l'objet de discussions, comme tous les autres maîtres de l'université, des universités où il a enseigné, notamment l'université de Paris. Donc il faut avoir ça présent à l'esprit. Il n'était pas une autorité absolue, hein, ou une autorité fondamentale comme il l'est devenu par la suite. Le Moyen-Âge était, sous cet angle-là, n'était pas autant qu'on le croit sous le régime de l'autorité, en tout cas pas celle-là. Et alors, après ce deuxième moment de la métaphysique, vient un troisième moment qui est la naissance de l'ontologie à part entière. Alors, tout à fait. Alors, l'expression ontologie, bien sûr, c'est une expression un peu plus tardive, mais qui est clairement dans la même tradition. Le mot ontologie est apparu au début du XVIIe siècle, vers 1606, dans d'ailleurs la scolastique protestante. Mais ce qui s'est produit, c'est d'abord produit au XIVe siècle, au tout début du XIVe siècle, avec l'œuvre de Duns Scott. Duns Scott est un penseur qui met au premier plan, mais plus encore, je dirais, que Saint Thomas, et c'est là qu'il y a une rupture, indiscutablement, il met au premier plan la science de l'être en tant qu'être. Mais ce qu'il y a de différent par rapport à Saint Thomas, c'est que Dieu est atteint à l'intérieur de cette science de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire que Dieu est inclus à l'intérieur de l'objet de notre connaissance ordinaire. Voyez. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, au fond, pour Saint Thomas encore, Dieu est cause de l'être, de tout ce qui est. Oui, on pourrait dire il est encore en surplomb. Il est transcendant à l'être, d'une certaine manière. Il est transcendant à l'être des choses finies, à l'être des réalités finies. Il est transcendant parce qu'il est cause de leur être, et il est son propre acte d'être. Dieu est tellement transcendant qu'il est simple. Il n'y a pas en lui de composition, il est être et acte pur. Par conséquent, il faut dépasser jusqu'à la négation, il faut nier tout ce que nous connaissons dans l'expérience sensible si on veut parvenir à penser Dieu pour saint Thomas d'Aquin. Tandis que pour Duns Scott, il faut utiliser les connaissances affirmatives que nous pouvons avoir. Saint Thomas d'Aquin est encore quelqu'un qui maintient la tradition de la théologie négative, c'est-à-dire la tradition selon laquelle Dieu est absolument inconnaissable. Au début de la Somme théologique, Saint Thomas dit « Tout ce qu'on sait de Dieu, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il est ». Donc il le dit clairement, ça ne l'empêche pas après de réfléchir. C'est très clair aussi d'ailleurs chez Maître Eckhart. Et c'est fondamental chez Maître Eckhart là aussi, bien sûr. Duns Scott dit « Nous n'aimons pas souverainement les négations, nous n'aimons pas ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, si on l'atteignait par une négation, on ne pourrait pas l'aimer. Parce que, pour Duns Scott en tout cas, l'interprétation scottiste, c'est ça. C'est-à-dire, il faut une connaissance affirmative. Il faut que Dieu soit inclus dans l'être, sinon il échapperait totalement à notre connaissance. Vous voyez? Donc, on peut considérer que sous cet angle, il y a une réduction de la transcendance de Dieu chez Duns Scott. Alors oui, parce que comment ça agence cette inclusion, en fait? C'est-à-dire que c'est quoi? Chez Duns Scott, c'est un ordre hiérarchique? Alors non, on va quand même pas dire que l'être est plus haut que Dieu. C'est pas ça qu'il veut dire. Non, mais que Dieu est juste le plus grand des êtres. Absolument, c'est exactement ça. Ce qui effectivement rabaisse un peu sa transcendance, puisqu'il rentre dans la hiérarchie des êtres. Exactement, Dieu est à l'intérieur de l'être. Il n'est pas donateur de l'acte d'être de tout ce qui est. Il n'est pas au-delà de l'être, pour parler un petit peu à la manière de Platon, et pour caractériser la pensée de Saint Thomas. Non, il est à l'intérieur du concept d'être. Il n'est pas à l'intérieur du concept d'être. Il est atteint à l'intérieur du concept d'être. C'est-à-dire que on va partir de notre expérience de l'être, on va construire un concept qui est universel, qui est commun à toute chose, et on dira que ce concept s'applique aussi à Dieu. Voilà. Et c'est à l'intérieur de ce concept qu'on va ajouter des distinctions qui permettent de le repérer, qui permettent de s'apercevoir qu'il n'est pas un être comme les autres. Mais il est un être. Enfin, il est un être comme toute chose, mais de surcroit, il a son existence et sa nature propre pour Duns Scott, bien sûr. Mais on a fait passer au premier plan cette idée d'Aristote. Il y a une science de l'être en tant qu'être. Et Dieu sera inclus dans la connaissance de cette science. Et il faudra aussi passer par l'idée du concept. qui est très important chez Duns Scott, c'est que on a accès aux choses par des concepts. Donc c'est, il y a toute une réflexion psychologique sur la manière dont nous allons connaître le monde. Nous ne connaissons le monde qu'en engendrant en nous des concepts. C'est pour ça que Dieu est conçu en nous à l'aide du concept d'être. Le concept d'être est la manière dont nous allons... Et comment nous vient le concept alors ? Alors, le concept nous vient parce que nous tirons de notre expérience par induction, nous allons généraliser. C'est-à-dire, je peux m'apercevoir qu'il y a un point commun entre différentes réalités. Entre un cheval et un âne, je peux m'apercevoir qu'il y a l'idée d'animalité, par exemple. Bon, eh bien, on peut opérer le même travail d'abstraction et dire que entre un être vivant et un être inerte, il y a un point commun, à savoir que ce sont des êtres. Et on a ainsi conçu le concept le plus universel possible, qui est le concept d'être. Et c'est pour ça que Dieu est inclus dedans, parce que le premier objet de notre pensée, le concept le plus universel que nous puissions avoir, il n'y a rien en dehors. Vous voyez, c'est le concept d'être. Donc Dieu n'est pas en dehors du concept d'être, parce que tout est compris dans le concept d'être. Donc à ce moment-là, Dieu va être inclus dans le concept d'être. Mais donc on sort totalement de l'idée de la révélation, de l'inspiration. Le concept n'est pas inspiré, il est vraiment produit de notre expérience. Oui, ceci étant, nous sommes en philosophie. Les médiévaux sont très stricts sur la distinction entre le travail philosophique et le travail du théologien qui interprète l'écriture à l'aide d'une rationalité, mais bon, qui suppose la foi. Là, que ce soit saint Thomas d'Aquin, ou maître Eckhart, ou Duns Scott, ils pensent que ce qu'ils établissent, ils l'établissent par la simple raison. Pour eux, c'est philosophique. Donc là, de ce côté-là, ça n'interfère pas directement avec la théologie. Mais ce qui est frappant, c'est vrai, c'est que chez un saint Thomas, au fond, la métaphysique, elle était bien sûr métaphysique, mais elle culminait dans une connaissance de Dieu, dans une théologie. Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression que c'est une philosophie qui déblaye un peu pour ensuite rentrer dans la théologie. Voilà. Mais alors, Duns Scott, lui, sépare plus radicalement peut-être les plans en disant que d'ailleurs, il y a des choses qu'on connaît en théologie qu'on ne peut pas connaître en philosophie. Oui, il y a une séparation des deux domaines qui est très très stricte. Au début de son grand œuvre théologique, il explique que, voilà, il y a ce que croient les philosophes et c'est tout à fait légitime parce que c'est à partir de données de l'expérience sensible qui résonne, et puis il y a ce que croit le chrétien et ce que pense le théologien, qui est tout à fait différent parce qu'il part d'autres prémices. Et il reconnaît qu'il y a deux ordres. Vous voyez, il y a une sorte de séparation qui se crée entre l'ordre philosophique et l'ordre théologique qui est beaucoup plus forte chez un Duns Scott que chez un saint Thomas. Cette séparation, elle se joue justement sur cette grande inquiétude qui traverse toute l'époque, sur cette grande séparation, sur ce grand débat entre foi et raison. Comment est-ce que ça s'articule chez un Duns Scott justement qui sépare assez radicalement, on peut le dire, les deux? Ça s'articule en distinguant les publics, au fond. C'est-à-dire que... C'est très intéressant. Au fond, pour Duns Scott, le temps des philosophes est un petit peu terminé. Les philosophes, c'était des gens qui raisonnaient avant la révélation. Ils n'avaient pas accès à des vérités supplémentaires qui nous ont été apportées par la Bible, par la tradition de la foi chrétienne, etc. Donc, ils ont découvert des choses absolument admirables dans des domaines de science, en mathématiques, en géométrie et en métaphysique, et en logique. Mais il y a des choses qu'ils ont ignorées. Et on ne peut pas leur en vouloir. Ils raisonnaient à partir de leurs données. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais nous, les théologiens, parce que Duns Scott est théologien. Nous qui sommes venus, en tout cas, après la révélation. Et nous qui sommes venus après, nous avons un autre point de départ. Donc, ce qui donne le résultat suivant un peu étrange, quand on lit d'ailleurs le commentaire théologique de Duns Scott, c'est que vous avez des livres entiers qui sont de la philosophie, qui sont enchâssés, emboîtés dans des réflexions théologiques. Vous voyez ? Donc, on va avoir une démonstration de l'existence de Dieu dans la distinction 2 du commentaire des sentences. Et puis après, on va avoir une réflexion sur la Trinité qui est juste après. Parce que on utilise le maximum de ce que la raison humaine a pu découvrir, mais on sait que ça n'était pas tout. Voilà, donc c'est pour ça que je dis une distinction des publics. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on pouvait savoir dans le monde des philosophes, et il y a maintenant ce qu'on peut savoir dans l'ère des théologiens. Ils pensent que nous sommes dans l'ère de la foi, et donc dans l'ère des théologiens. Et en même temps, c'est un mouvement qui, vous le dites, est extrêmement paradoxal, parce que il n'y a pas non plus oblitération totale de la philosophie, il y a plutôt redécouverte de la philosophie, il y a plutôt d'ailleurs volonté ensuite, au fil des siècles, de faire de la métaphysique avec Dieu, mais aussi sans Dieu, la question se pose, de parler de l'être en tant qu'être. Donc, en fait, ce moment théologique, il porte en lui aussi la naissance de la philosophie qui va se séparer, ou en tout cas de la métaphysique qui va se séparer, même si jamais complètement, de la question de l'être divin. D'une certaine manière, il porte en lui un mouvement de sécularisation. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Non mais vous voyez, bien entendu, c'est pas la sécularisation au sens où on l'entend au 19e et 20e siècle, mais sécularisation de la réflexion philosophique. Très clairement. Il est très net de voir que déjà Don Scott est quelqu'un qui s'efforce d'avoir une connaissance la plus précise possible d'Aristote à travers, alors il était tributaire des différentes traductions, mais il arrive qu'il compare les traductions pour essayer de deviner ce qu'il pouvait y avoir dans le texte grec, parce qu'il y a quelquefois des passages où il a du mal à comprendre, et nous aussi, encore aujourd'hui. Et donc on le voit qui est passionné parce que l'exigence théologique, c'est l'exigence de la vérité. Et les philosophes nous apportent une aide pour atteindre la vérité. Don Scott commence à être dans une époque où l'on se dit la vérité philosophique n'est pas tout entière dans Aristote. On peut philosophiquement aller plus loin qu'Aristote. Et il a des textes qui l'aident. Il a l'œuvre d'Avicenne. Pour lui, Avicenne est le grand métaphysicien après Aristote. Et donc très clairement, Avicenne, philosophe arabe, qui a lui-même écrit une paraphrase de la métaphysique d'Aristote, on voit très clairement que Don Scott est quelqu'un qui essaie philosophiquement de dépasser les données d'Aristote pour construire la métaphysique comme discipline. Il faut dépasser le livre, la métaphysique, pour atteindre la science, la métaphysique. C'est ça qui est tout à fait remarquable dans son œuvre. Et donc, il y a ce dernier moment, l'invention de l'ontologie, qui, on le voit maintenant, est en fait très très loin de la science de Dieu proposée par un maître Eckhart. Alors peut-être pour, nous arrivons bientôt vers la fin de cette émission, nous en avons parlé avant de venir, la métaphysique est au programme cette année de l'École normale supérieure. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire qu'on peut dire que le Moyen-Âge, c'est l'invention, le grand fleurissement de la métaphysique, et en même temps qui porte en soi cette sécularisation qui, quelque part, va être fatale à la métaphysique. Alors là, je ne sais pas si elle sera fatale à la métaphysique, parce que ce qu'on constate, c'est que, d'abord, un Descartes écrit des méditations de philosophie première, un Husserl écrit aussi une philosophie première. Donc il y a une constante, au contraire, hein, je crois, qui, évidemment, la métaphysique prend des formes différentes, mais je crois qu'il y a au contraire une constante. Et ce qui est le plus remarquable, l'auteur le plus emblématique pour cette question, c'est Kant. Bien sûr. Kant est quelqu'un qui dit qu'il va refonder la métaphysique. La critique de la raison pure est destinée à refonder la métaphysique. Ce qui jusque-là a été donné sous une forme d'une science rationnelle, il va le refonder comme science transcendantale. Transcendantale, ça veut dire qui dépend des conditions de possibilité de l'expérience, qui rend compte des conditions de possibilité de l'expérience. Et transcendantale, c'est la reprise d'un mouvement qui remonte précisément à la métaphysique médiévale. Don Scott articule la métaphysique en deux parties. Il dit qu'il y a une scientia transcendens, une science transcendantale ou transcendante, hein, c'est-à-dire la science de l'être en tant qu'être, qui transcende tous les objets, mais qui transcende, vous voyez, on voit pas une transcendance vers Dieu, là, c'est une transcendance parce que c'est l'objet le plus général. C'est une transcendance vers l'universalité, si on peut dire. Hein. Il y a à l'intérieur de cette science transcendantale une science spéciale, scientia specialis, qui va porter sur Dieu, puisque Dieu est inclus à l'intérieur de la science transcendante ou transcendantale. Eh bien, on retrouve ça dans la critique de la raison pure de Kant, où Kant explique que la métaphysique s'articule en metaphysica generalis, métaphysique générale, l'équivalent de Metaphysica transcendens, et Metaphysica specialis. On retrouve le même adjectif de specialis. Et la métaphysique générale porte sur l'être, et la métaphysique spéciale porte sur Dieu. Donc la structure de la métaphysique, telle que Kant en hérite, eh bien, elle est déjà construite par Duns Scott. Et Kant va former cette expression ontothéologique pour désigner cette articulation de la métaphysique. Vous voyez, donc c'est Kant qui formule l'expression ontothéologique. C'est-à-dire qu'il y a une ontologie, science de l'être en tant qu'être, et une théologie, c'est la science spéciale d'un objet spécial à l'intérieur de l'être qui est Dieu. Alors vous parlez de cette constante, moi je vous suis complètement et avec bonheur, et en même temps on a pu voir chez de nombreux auteurs apparaître l'idée que la métaphysique finalement c'est juste un moment de l'histoire, que les questions qu'elle pose sont peut-être justement spécifiques à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'auteur ? Je pense qu'il y a deux questions. La question première qui est: peut-on ne pas se poser la question des fondements ? Et ça, je pense qu'on ne peut pas. Aucune philosophie, la philosophie s'interroge sur les concepts les plus fondamentaux, d'une manière générale. Mais parmi les concepts fondamentaux, il y en a qui sont plus fondamentaux que d'autres. Et il faudra bien une discipline pour s'occuper d'eux. Vous voyez, la discipline qui va s'occuper du principe, enfin de ce que c'est que l'être, la discipline qui va s'interroger sur quels sont les grands principes. Est-ce que les grands principes, c'est le principe de contradiction ? Est-ce que c'est le principe de causalité, etc. Eh bien, il faudra bien qu'elle existe encore, je pense, pour une recherche philosophique. La deuxième question, c'est: est-ce que cette discipline-là doit être une métaphysique ? Alors, il me semble que, d'une certaine manière, effectivement, au XXe siècle, on a les philosophes ont cru pouvoir dire qu'on avait atteint une forme de limite. Heidegger, avec la question de l'être, disait que voilà, s'interroger sur l'être, sur la question du poser la question du sens de l'être, c'est poser l'archi-question, la question absolument fondamentale, qui est plus fondamentale que toutes les questions sur les choses qui sont, ce qu'il appelle les étants. Bon. Donc là, il a atteint une sorte de limite au-delà de laquelle on peut pas aller. Il n'y a pas de question, on peut plus rien dire au-delà de l'être. Donc là, effectivement, il y a une limite qui est atteinte. Mais on peut dire aussi, pensons à l'histoire de l'art, il y a une limite qui est atteinte lorsque Malevitch peint un carré blanc sur fond blanc. C'est-à-dire que là aussi, hein, il n'y a plus d'étang, il n'y a plus une chose, il n'y a plus de représentation sensible, on se perd plus dans les objets. Hein. On est dans la forme pure de l'apparaître. Eh bien, là aussi, on a atteint une limite, mais ça ne veut pas dire que la peinture est morte. Et donc, je ne crois pas que la remarque de Heidegger, même s'il a atteint une limite, empêche la métaphysique de continuer à exister. Et cette métaphysique, vous diriez qu'elle a une actualité ? Là, nous sommes dans une période de recomposition très nette. C'est-à-dire que d'un côté, on est en train de voir très clairement renaître ces interrogations sur les concepts fondamentaux, sur les principes. Et la philosophie analytique d'origine anglaise ou américaine n'hésite pas à écrire des métaphysiques ou des ontologies, hein, des théories de l'objet, des choses comme ça. Donc on a quelque Donc chose. Vous diriez qu'il y a une nouvelle mode. C'est plus qu'une mode. C'est une. Je pense que ça correspond à un besoin de l'esprit humain. Rappelons que la première phrase de la métaphysique d'Aristote, c'est tout homme désire connaître. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de fondamental. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître là, clairement. Mais en même temps, ce quelque chose n'a pas encore affronté ce que les anglo-saxons appellent la philosophie continentale, c'est-à-dire les questions posées par les analyses extrêmement pertinentes et fortes de Heidegger. Donc on est en train, je pense, d'assister à une confrontation qui ne dit pas toujours son nom ou qui n'est pas toujours faite, parce que souvent les analyticiens américains ou anglais ne lisent pas les autres langues, donc ils ne lisent pas les travaux qui sont faits sur le continent. On est en train donc d'assister à un dialogue qui est peut-être encore un dialogue de sourds, mais qui un jour deviendra réel. Et est-ce que, à côté ou en face de ce dialogue de sourds qui deviendra un jour réel, on peut dire néanmoins qu'il y a aussi un retour des questions, cette fois-ci proprement théologiques, qu'il y a aussi un certain retour de la théologie auquel le retour de la métaphysique fait écho? Alors là, je suis moins compétent, mais effectivement, il y a aussi, et c'est probablement profondément lié, il y a aussi eu au XXe siècle une crise de la théologie. C'est évident. Et la difficulté, c'est que la théologie, elle s'est dite, dépassée, si je puis dire, par l'affirmation de la foi, par la confession de la foi. Et est-ce que on peut aujourd'hui construire un discours cohérent, une science? Est-ce qu'aujourd'hui la théologie pourrait dire qu'elle est une science? Franchement, je ne crois pas qu'elle en prenne le chemin en ce moment. Mais il y a véritablement une interrogation. Peut-être que la théologie peut prendre des formes nouvelles si elle accepte d'être plus humble que la science. Parce qu'après tout, peut-être que cette idée de science, qui était évidemment dans l'esprit des médiévaux, était peut-être une exigence exorbitante à la fois pour la théologie et pour la métaphysique. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait beaucoup plus modeste dans l'entreprise philosophique et qu'on ne prétendrait pas que notre philosophie a la rigueur d'une science. Et peut-être que c'est une voie vers plus d'humilité, mais aussi cette humilité peut être libératrice, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement donc se lancer dans la discussion. Alors nous allons finir sur cet éloge de l'humilité. Merci beaucoup, cher Olivier Boulnois, pour ce passionnant entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Être et représentation », une généalogie de la métaphysique moderne à l'époque de Duns Scott et de « Métaphysique rebelle, genèse et structure d'une science au Moyen-Âge », deux ouvrages parus aux Presses universitaires de France. C'était Brigitte de Suède, psaume 100, Annuntietur in Universa Terra. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Isis Jourda, qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert et Nicolas et Alexandra Candilonguet à la réalisation. Au jour de la prise de son, c'était Jacques Hubert. On se retrouve demain pour la suite de notre série Lumière sur le Moyen-Âge, en compagnie du philosophe Jean-Baptiste Brenet, avec qui nous parlerons du rayonnement d'Averroès. D'ici là, restez à l'écoute.